Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, l'émission entièrement consacrée aux sonorités inclassables et aux musicalités parfois insolites. Gaëtan Gosselin au microphone, j'ai grand plaisir de vous retrouver ce soir autour d'une compilation d'œuvres sonores pas banales, une compilation d'œuvres expérimentales réalisées en hommage au cinéaste Michelangelo Antonioni. Alors voilà, l'arrivée du son dans l'univers du cinéma, quelle aventure extraordinaire! On peut imaginer qu'il y avait au début les murmures des spectateurs à la vue des images projetées par la Lanterna Magica, puis rapidement, on va environner les images de sonorités hors champ. Bonimenteurs, doublage, musique d'atmosphère en provenance de la fosse d'orchestre. On réussira à fixer le son sur la pellicule et le monde du cinéma va évidemment basculer. Il y a déjà un siècle de ça, peut-être même un peu plus. Chaplin va même en perdre son latin, mais enfin, c'est une autre histoire. Alors tout ça pour dire que les images en mouvement vont faire surgir des sonorités inattendues et que des musiques vont, à leur façon, tricoter, très serrer les images entre elles. Je vous propose ce soir un projet inspiré de cette familiarité qu'entretiennent l'expérimentation sonore et le cinéma à travers un magnifique album lancé en 2007 intitulé « Translation of Opacity », hommage à Michelangelo Antonioni, son cinéma, sa démarche artistique. Il s'agit d'un projet collectif exceptionnel qui regroupe des œuvres très solides, toutes retenues suite à une invitation publique à créer des univers sonores s'inspirant du cinéma d'Antonioni. Alors, on débute ça avec deux titres. Un premier d'Andrea Borghi, ça s'intitule « Omaggio a Gelmetti » et ensuite Anne Guthrie, un titre « Giuliana Corrado ». Alors, on écoute ça. Thank you. Sempre bisogno degli altri. Io devo essere cretina. À propos du cinéma d'Antonioni, je vous brosse un modeste portrait de son aventure artistique puisqu'il s'est avéré un cinéaste important, passionné de littérature, un familier du théâtre et, dit-on, un peintre à ses heures. Pour la plupart d'entre nous, Antonioni se résume à quelques films, La Ventura, récompensé à Cannes en 1960, Blow Up, bien sûr, tourné en 1966, et Zabriskie Point, ce film connu pour sa bande musicale composée par Pink Floyd. Antonioni commence sa carrière de cinéaste dans la mouvance du néo-réalisme italien, intéressé notamment par la vie quotidienne des Italiens. Donc, ses premiers films s'avèrent sans complaisance. Il tourne d'abord des documentaires sur la vie des gens, avec par exemple ses films « Les gens du pot » et « Nettezza Urbana ». Lorsqu'il passe au long métrage de fiction, début des années 50, Antonioni n'abandonne pas complètement cette démarche puisque ses films sont, pour la plupart, émaillés de réflexions sur l'évolution sociale de l'Europe d'après-guerre. Cela dit, Antonioni va prendre ses distances, dit-on, avec le néo-réalisme au début des années 60. Il va privilégier une approche plus allégorique, ce qui l'amène, selon la critique, à engager une sorte de dialogue fluide et interactif entre ses acteurs et leurs espaces de déplacement et d'action. Ses films, La Ventura, La Notte et Le Désert Rouge sont assurément les plus éloquents à cet égard. Les films qui suivent ensuite, Blow Up, Profession reporter, là on est en 75, Identification d'une femme et plus tardivement en 95, Par-delà les nuages, qu'il réalise d'ailleurs. C'est à souligner qu'il réalise avec Wim Wenders, alors ses films demeurent des modèles de ce style purement antonionien. Alors, un style qui aura une influence majeure sur tout le cinéma contemporain, dira nul autre que Jean-Luc Godard. Je referme les guillemets. Alors, on poursuit notre écoute de cet album intitulé « Translation of Opacity », hommage à Antonioni, avec trois pièces réalisées par Bruce Hamilton, Manrico Montero et Yanis Christofides. Alors voilà ce qui complète la première demi sur cet hommage rendu à Michelangelo Antonioni, à son cinéma, un hommage rendu par des créateurs sonores et des musiciens expérimentaux. Restez des nôtres, je vous reviens pour la suite de l'émission en prochaine demi, tout de suite après ce bref battement promo. C-K-R-L-89-1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors voilà, la croche-oreille se poursuit sur les ondes de CKRL de 89.1. J'en profite pour vous rappeler que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir ainsi que le contenu sonore des émissions passées sur le site de la croche-oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Je vous propose ce soir l'écoute d'un album réalisé en 2007, inspiré des liens artistiques qu'entretiennent l'expérimentation sonore et le cinéma à travers une compilation intitulée Translation of Opacity, hommage à Michelangelo Antonioni, très bel album, qui est le fruit d'un appel à participation. Il regroupe une vingtaine d'artistes et on peut le retrouver sur étiquette AOR, Petite Maison, de distribution qui a pignon sur rue à Seattle. Et cela dit, vous retrouverez ça également sur la plateforme Bandcamp. Alors, on écoute deux titres. Un titre de Matt Underwood qui s'intitule « False Resolution » et un autre de Thanos Chrysakis, « Montagna Incantata ». On écoute ça. Alors voilà, dans un article de Gérard Gouthière paru dans le cadre d'une exposition dédiée à Antonioni, c'était en 2015 à la Cinémathèque française de Paris, on souligne que bien qu'il fût récompensé de son vivant, Antonioni n'a pas toujours connu les faveurs de la critique et du public. Adulé par l'avant-garde de l'époque, rejeté par d'autres pour obscurantisme, Antonioni représente une étape essentielle dans l'art cinématographique de la deuxième moitié du 20e siècle. C'est Gérard Gouthière là, qui nous raconte ça. La Ventura, réalisée en 1960, qui suscita de nombreux débats contradictoires, est un exemple. Avec La Notte, L'Éclipse, puis Le Désert rouge, le cinéaste nous livre un monde désabusé, aux contours imprécis, des univers sans repères. Mais son talent s'exprimait également, dit-on, par la peinture, avec laquelle Antonioni a entretenu des relations très intimes. Quel que soit le propos du film, l'image est travaillée, recherchée et peu importe, raconte Gouthière, si le réalisateur déclara un jour se laisser guider par le hasard, il n'y a rien de gratuit chez cet architecte de la lumière qui déclarait avoir toujours envie de voir la face cachée de ce qu'on voit à l'œil nu. Je referme les guillemets. Belle citation qui rappelle certaines autres de Jean-Luc Godard. Alors, je vous propose qu'on écoute une autre pièce tirée de cet album, Hommage à Antonioni, Translation of Opacity, une pièce créée par Karam Sadeghi. On écoute. Alors voilà ce qui complète l'accroche-oreille pour ce soir. Vous allez retrouver la liste des pièces sur le site l'accroche-oreille. Je vous rappelle les coordonnées de cet album entendu ce soir, qui s'intitule Translation of Opacity. C'est sur étiquette OAR. On le retrouve également sur la plateforme Bandcamp. C'est un hommage à Michelangelo Antonioni. Cela dit, restez des nôtres. Matthew Johnson s'amène avec son rock médium. Voilà, quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore. Alors voilà, tout est dit. Gaëtan Gosselin au microphone qui vous salue. Thank you.